On va parler de football collégial. Je m'attendais à lui parler seulement qu'en janvier, lors de la mise, lors du recrutement des joueurs de football collégial du secteur. Mais une belle nouvelle hier pour le Cégep de Chicoutimi, les Cougars de Chicoutimi, c'est que ils vont prolonger leur association avec une équipe française, une association. Quoi qu'il en soit, on va parler avec celui qui est en charge du programme de football, Nick Menace. Salut, Nick. Bonjour, Danny. Nick, qu'est-ce que ça va. D'abord, à quoi consiste ce programme? Ou ce programme de changement-là? Donc, dans le fond, ce que c'est qu'il y a un partenariat qui a été signé entre la Fédération de football française. OK. Donc, ceux qui chapeautent le football. Donc, c'est comme l'équivalent de nous ici, Football Canada, exemple. Ouais. Donc, la Fédération de football française, eux, ils ont une problème, ben, pas une problématique, ils ont à vivre une certaine réalité depuis quelques années, c'est que les jeunes de la France veulent quitter. Donc, ils viennent jouer au football au Canada. Donc, OK. il y en a de plus en plus ici au Québec. Je veux dire, je peux juste prendre l'exemple de Thetford Mines, qui est une équipe qui a beaucoup de Français. Nous, ici, on avait 6 joueurs d'origine française l'an passé dans notre équipe en 2016. Donc, c'est une pépinière de recrutement, la France, où il y a des joueurs de très grande qualité. De très grande qualité, où le football est peut-être un petit peu moins développé, étant donné que on met plus l'emphase sur d'autres sports comme le soccer, le rugby, des choses comme ça. OK. Donc, ce partenariat-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet à des joueurs de la France de venir jouer dans un collège de division 1. Donc, le collège de division 1 qui a signé l'entente, c'est les Faucons de Lévis-Lauzon. OK. Le collège de division 2 qui a signé l'entente, c'est les Filons de Thetford Mines. Et l'équipe de division 3, c'est les Cougars du Cégep de Chicoutimi. Okay. Ce que ça veut dire, ça veut pas dire que les joueurs français peuvent juste venir dans ces équipes-là. Ce que ça veut dire, c'est que la Fédération de football française reconnaît les trois équipes comme les équipes qui ont un partenariat avec qui on a signé une entente, justement en lien avec des joueurs. Exemple, un joueur qui voudrait venir ici, un joueur de la France qui voudrait venir jouer ici à Chicoutimi, il pourrait avoir une aide supplémentaire de la part de sa fédération de football, justement pour l'aider à quitter, pour l'aider dans son au niveau financier là, pour son futur. Okay. Tandis qu'un jeune, mais cette entente-là, elle est pour les jeunes qui font partie de ce qu'on appelle des athlètes d'élite en France, donc qui sont des athlètes qui font partie du programme national français, donc U19 et senior. Okay, Seigneur, nous, ça ne touche pas. Donc, c'est surtout pour U16, U19. Okay. Donc, des jeunes de moins de 19 ans. Donc, dans le fond, cette entente-là, c'est ça. Ça permet à des joueurs qui voudraient venir jouer ici. Comme moi, en ce moment, je suis en pourparlers avec certains joueurs, certains anciens de l'équipe nationale française, okay. Avec qui on est en train de regarder, justement, en lien avec le partenariat. Le partenariat, ce que ça fait, c'est que ça facilite, justement, l'avenue de joueurs qui ont fait partie de leur programme d'élite. OK. Comment ils sont les Français, je te dirais, leur mentalité? Est-ce que c'est des gens qui sont là pour apprendre? Est-ce que c'est des gars? Est-ce que c'est quoi, en fait, leur mentalité? Ben, moi, là, les joueurs que j'ai ici, moi, là, quand je suis arrivé ici, il y avait déjà des joueurs qui étaient là. OK. Moi, je vais te parler des joueurs que j'ai recrutés cette année qui sont venus, des joueurs de mon âge. Donc, Liam Ward, Tristan Chapelet et Alexandre Mathieu, qui sont des joueurs qui sont venus ici. Moi, j'ai été très surpris de voir à quel point ces jeunes-là sont matures. Okay. Ils traversent l'océan pour venir jouer au football ici, là. Donc, les gars qui viennent ici, ils viennent avec un objectif. Ils viennent avec... je veux dire, mes gars, ils travaillent très fort. Mes joueurs français, c'est dans les joueurs qui travaillent les plus forts dans mon équipe. Ceux qui sont arrivés, ils font de l'extra. Ils viennent me voir, ils demandent des conseils. Ils veulent en avoir un petit peu plus. Et tu vois, là, en ce moment, j'ai trois de ces joueurs-là, trois joueurs français qui sont en ce moment recrutés par les universités québécoises. Okay. Donc, leur but en fait, c'est quoi? C'est de continuer le football à un niveau, au niveau supérieur. Et surtout de vivre dans un football qui est très organisé. Okay. Contrairement à la France. Où c'est des petits clubs un petit peu partout, ils n'ont pas beaucoup de monde aux pratiques. Donc, d'arriver ici dans un cégep où c'est Cougar partout, puis la chambre, le terrain de football, pour eux autres, c'est un rêve. Donc, ils viennent ici un peu vivre. On parle souvent du rêve américain, mais pour les Français, venir jouer au football, le Canada, c'est une très belle terre d'accueil pour ça. Mais, donc, ils viennent ici avec un but, là. OK. Mais quand même, dans le cas est-ce qu'il peut quand même. Les joueurs, c'est quoi? C'est des joueurs de ligne? C'est des joueurs, des receveurs de passes? C'est quoi? Ben, c'est tout dépendant. Je vous dirais qu'en ce moment, dans mon équipe, moi, j'avais un joueur de ligne défensive. J'avais des gars à toutes les positions. Un secondeur de ligne, joueur de ligne défensive, receveur de passe. Okay. C'est plus les positions. Moi, en ce moment, tu sais, le recruter en France, pour moi, c'est pas... Je commence pas avec mon recrutement en France. Donc, de base, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on a dans notre région, qu'est-ce qu'on a au Québec. Après la région, on regarde dans la région de Québec qu'est-ce qu'on a. En ce moment, notre recrutement va très bien. Autant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean que dans le coin de Québec, ça va vraiment bien. Ce qu'on fait, nous, dans le fond, ben, comment moi je marche, c'est que les joueurs qui vont s'ajouter à nous, qui viennent de la France, c'est des joueurs que je suis pas capable de recruter chez moi. Okay. Donc, moi, je vais aller compléter mon équipe en France. Donc, si j'ai des joueurs, si, exemple, j'ai 80 joueurs qui viennent à mon camp, ce qui est pas le cas pour l'instant, là, si j'ai 80 joueurs, ben, j'ai pas besoin d'aller piger en France. Donc, c'est un peu en ça que ça consiste. Ça vient, moi, ce que je fais avec ça, c'est de prendre des joueurs qui vont pouvoir venir combler des lacunes qu'on n'a pas nécessairement au niveau régional. Ensuite de ça, ben, tu sais, il y a différentes techniques. Exemple, Tetfermine, eux autres, dans les dernières années, ils ont eu beaucoup de succès en Division 3. Ils ont gagné le bol d'or et là, maintenant, ils sont rendus en Division 2. Dans leur équipe, sur une quarantaine de joueurs, ben, mettons 50 joueurs, ben, il y avait au moins 20 à 25 joueurs de la France. Oui, monsieur. Donc, Tetfermine, c'est un peu une équipe qui recrute beaucoup, beaucoup en France. OK. Donc eux, ils ont besoin de ces joueurs-là pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir une équipe. Ça leur a donné du succès dans les dernières années. Donc, ils continuent un petit peu dans cette veine-là. Nous, c'est pas ça notre objectif. Mon objectif, en ce moment, je suis en contact avec des gars qui pourraient venir jouer ici pendant 2 ou 3 ans. OK. Donc, c'est des gars qui sont plus jeunes. C'est sûr que c'est plus difficile de faire partir des jeunes à 17-18 ans de la France. Ouais. Mais ça doit être, à quelque part, Nick, ça doit être tu veux monter, toi, une espèce de synergie qui ne dure pas rien qu'un an. Là. Tu veux monter un club qui commence avec des joueurs de première année qui grandissent ensuite. Tandis que si tu vas chercher 4, 5, 6, 7 joueurs de la France, et puis si on inclut un an, c'est dur pour une chimie. Là. C'est dur pour bâtir de quoi. Là. Ben oui, puis c'est toujours à recommencer. Ouais. Je veux dire, à chaque année, c'est à recommencer. Si je ramasse 15 joueurs de la France qui viennent ici pour un an, ben je veux dire, l'année prochaine, ça va m'en prendre encore 15. Fait que ça devient un peu un cercle vicieux. Puis, tu sais, peut-être eux sont un petit peu dans cette situation-là où eux, ils ramassent des joueurs partout. C'est comme un peu pour faire valoir. Les gens de la Fédération Football Française sont venus à Chicoutimi. Ah, OK. Ils étaient ici. Donc, l'entente que tu as vue, on l'a signée ici dans le bureau à Jean-Pierre Bolduc, directeur des sports, qui a travaillé très fort justement sur cette entente-là. Nous, on a des bons contacts là-bas avec Emmanuel Maguet, qui est descendu ici, qui est un des responsables justement en ce moment des équipes de France. C'est en lien un petit peu aussi avec le partenariat du fait que nous, on va aller jouer là-bas au mois de mai. Okay. Et eux vont jouer ici l'année suivante, en 2018. Donc, c'est un peu en lien avec ce partenariat-là. Eux, ils voulaient venir voir notre cégep, comment ça marchait au niveau académique. Parce que, tu sais, lui, il veut être capable de dire aux joueurs qui font partie des équipes françaises, ben voici le portrait à Chicoutimi, au niveau académique, au niveau sportif, au niveau des infrastructures. Donc, maintenant qu'il l'a vu... Il a vu nous, il a vu les Vidozons, puis il a vu Tetfermine. Donc, il est descendu ici au Québec la fin de semaine du Bol d'Or pour signer une entente avec tous les collèges. Mais le but, c'est pas d'avoir 25... En tout cas, mon but à moi, c'est pas ça. Je parlerai pas pour les autres, mais mon but à moi, c'est seulement de compléter mon équipe. Physiquement, c'est-tu des joueurs? Parce que normalement, c'est tout que des joueurs, c'est tout que des pièces, des joueurs de football. Sont-tu aussi gros que... C'est des bons bétails, je te dis. Ah ouais? OK. Joueur de ligne, on parle d'un pied 4, 230 livres. J'avais un receveur de passe qui était mon plus gros receveur de passe, Liam. Je veux dire, c'est un 6 pieds 3, 210 livres. Je veux dire, ils ont des physiques... C'est quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France. Moi, je suis en contact avec plusieurs parce que je reçois, tu sais, depuis la convention, ces choses-là, je reçois beaucoup de messages des joueurs de la France. Okay. À un moment donné, pour faire le tri à travers tout ça, on parle avec les coachs, on demande des vidéos, on est capable de voir, mais au niveau physiquement, ils sont très, très gros. Ils ont des joueurs très athlétiques, des receveurs de passe. Je veux dire, moi, des fois, j'en reviens pas de voir les mensurations des joueurs et leur fitness. Par contre, au niveau football, il arrive des fois des organisations où il n'y a pas du sport football de compétition, où ils ont joué seulement quelques matchs, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, ils sont plus aux pratiques. Donc, ils arrivent avec un physique des fois plus grand que nos joueurs ici québécois. Par contre, ils ont beaucoup de rattrapage à faire au niveau technique, tactique et stratégique. Nick, est-ce que les entraîneurs là-bas, est-ce qu'ils sont bien compétents? J'aurais de la difficulté à juger, à parler des entraîneurs là-bas parce que je connais pas plus la dynamique. OK. Par contre, je trouve que je sais qu'il y a des entraîneurs, des joueurs du Québec, souvent des anciens qui vont jouer, qui vont avoir fini de jouer avec le Rouge et Or, qui vont partir, qui vont aller jouer en France, qui vont aller jouer là-bas, qui vont devenir un peu joueurs-entraîneurs. Donc, ils vont faire un partage. Ils vont faire un partage des informations qu'ils vont avoir, qu'ils vont connaître ici. Il y a un homme qui s'appelle Larry Legault, qui a été un grand entraîneur ici au Québec, qui est là-bas, qui a travaillé en lien. La plupart des gars que moi je rencontre, les entraîneurs, ils parlent souvent de Larry Legault, qui est un gars qui a participé beaucoup au football et que là-bas, il est encore à ce moment-là. Ils ont des entraîneurs américains. OK. Ah oui? Des entraîneurs, des gars qui ont passé par la NFL. Je veux dire, au niveau de l'équipe senior, je veux dire, c'est un peu spécial, c'est un peu méconnu. Mais oui. Il y a des gens qui ont gravité autour de la NFL. Danny Machocha a déjà coaché en France. Ben, je sais que Jacques Dussault a déjà coaché en France aussi. Jacques Dussault a déjà coaché en France. Ouais. Il y a quelques coachs qui l'ont déjà fait. Exemple, Guillaume Rioux, qui a joué en France, qui est en ce moment le préparateur physique, qui est entraîneur aussi avec le Rouge et Or de l'FC Laval, qui lui a la double nationalité française, donc il a passé tout le temps là-bas. Donc oui, je pense qu'ils ont des bons entraîneurs. La problématique qu'ils ont, je pense, c'est que c'est au niveau de la structure. Donc il y a beaucoup d'équipes, des fois, dans des petits